بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 33 من كتابه رمى حزب الرحيم على نحور الحزب الرجيم وهذه الأذكار بعينها هي التي رتبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بتلقينها لكل من طلبها من المسلمين على أي حالة كان كبيرا أو صغيرا أو أنثى أو حرة أو ذكرا أو أنثى أو حرا ذكرا كان أو أنثى ولا أو ذكرا أو أنثى حرا كان أو عبد أو غيره أو غيره طائعا أو عاصيا لا يمنعها عن أحد طلبها إلى آخره ala jël lu zakara wa wa ñam ko wax ci jotaay bi wa kay ba deng nga kon zikkar yi nga xamne wax nañu zikkaru wird bi wird la gis nañ ko wa wird gis nañ ci rot la tambale la jige wird wird dafa azla la tatjar visa abadan innal manahila tahmi mim mazayahu wala rota wir deful alba moy roto wayam ha bi nga xamne dafa tey timtimi la tabe dar biza abaran bul ci yokat mukk bul tay mukk del rot sa suné del jeur rek du jeex amul fumu yam innal manahila ndax kat manam may manam balluwayu may balluway tahmi day mabbe day tukke min maza di doté ko min maza ya ho di tukke ci mayam mu cheikh radiyallahu anhu kon nak jappal lazim lawazimuhu takfili talibiha min al manafi'i fi dunya wa ukhrahu bel taqwa ay lazim ndax dana la fegal li talibha ni sakku hein nekk ko aji sakku ja minan manafi'a ci ay njariñ ni kep kuy sakku njariñ rek dina ko jariñ ci dunya aduna al-akhirah al-akhirah doyna sak wa ba nga xamé lool kay loy do joro koy son ci ji def salon sa bop deru ko se kere sangam am ki nangam def deratu ko hein dedet ya bo ci rek japp ci lazimi rek deng kon werd kon wax nañ la kon fofu la jogi moy rot gogo cetera bo waxon nañ ni istighfar la temer salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bu munti don sira bu mëna don ak li ci aju la temer niki nono la ilaha illallah temer fi mu am benen bir bu fi ki moy astaghfirullah bat astaghfirullah mo fi bax c'est à dire que tay bu astaghfirullah alazim du ci bax xetu astaghfir istighfar ci ben lu ci bi moy bi bat astaghfirullah mo ci bax voilà salat ala nabi bi bu la neex voilà mom sikha bu la neex te bo ci xass ba voilà gis nañ tamit ne voilà mu ne kon yi zikkar wa hadhihi al-azkar ila zikr bi ayni ak sen dem ye ñom alati moy nga xamne rattaba taftu lan la ko mom cheikh na tijani lahu ñal ko mom cheikh tijani radiyallahu anhu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa manu yentil sallallahu alayhi wasallam moko taftale wa kal ladhi rattabaha ar-rasul sallallahu alayhi rabbuna al-jalil wala jamil yeralentou sallallahu alayhi wasallam moko toftale kon cheikh tariqa bi yeralentou sallallahu alayhi wasallam moko jox bu bari lepp lu ci nek moko toftale nonu wa amaro te moko digel bi talqini ha ci musaate ko manam mu joxe ko li kulli man ñel kepp ko xamne talaba ha sakku nako min al muslimin ci julit ni julit bu mën doon bu ko sakko dañ ko ko wara jox mais amna lu mu tepp fi dako sous entendre en fait parce que waxon nako moy min ba'd 'ardihi shurutun allati fi kutubil madhhab qad tajallati wa manam moy ginnaw buñ ko garale suñu chart yi nga xamne ba'd 'ardihi shurutun allati fi kutubil madhhab qad tajallati moy nga xamne fi kutubul mazhab manam fi kutubut tariqa al mazhab fi tariqa la jé wala manam ci hein yoon bi ngir bi manam moy doctrine bi tariqa bi téré bi dafa am ay charte yu ñu teural léral ko moy ñu xam xam nañ ko d'ailleurs gis nañ le ci buntu bëwës exactement ginnaw bam ko garalale manam yi nga xamne mënta ñak ñu garal ko comme niñ ko waxe nga garal ko mu nangu nga tax ko ko ku mën doon nga ne ku mën doon waaw waaw mais mi muslimi na ci julit ni kon tariqa bi kenn ko taxul lu julit bala nga nek tidiane da ngay julit ba fa niki nonu yi ci dess ak murid qadar la yi nangam ki manam nit du nek ludul ginnaw bamu nek kay julit ci lay meuna nek lenen wala munone hein wala ibadu et cetera ibadu wone ko julit do nek ibadu hein wala wala manam fokk dal nga nek julit ba pare ala ay halatin ci hal bu meuna don kana la nek kabiran mu nek mak aw sagaran wala mu nek goné man dañ ko jox xalé dañ ko jox mak bari ko ku ko laata ngi dox lo zakaran muy goor kana la nek aw unsa wala muy jigen muy goor muy jigen dañ ko koy jox hurran kana hurran mu nek gor kana nek aw xeyru wala mu nek lenen manam muy jam kon amul amma amna ben bat buñuy faral deg leg leg ñu ko wax ne way tariqa bi bala nga ko jël il faut que sa wajur and ci lolu mom bokul ci lolu mom wax wolof la te li gëna yémi moy dañ koy deg ci conférence subhanallah ngoy deg ci conférence diko deg ci xew xewi gamu et cetera té lolou mo wax wolof rek la yoonu yalla lan mo ci yoonu kenen yoonu yalla amul bu ci wadur andu ci yoonu yalla la nit ku nek yoonu yalla yow la concerne yo parce que muccu ba muccu jaar dem dubbu ci yoonu manam li tax nit ki meuna muccu digeentem ak boromam manam ci yoonu soob manam ci fexé bo mu meuna den ci meunout yi nga xamne mom la ko bakkanam meunouté et cetera bo meuna téggé téké ko firé ko tinké ko dem ci borom subhanahu wa ta'ala lolu yoonu samba nekku ci yoonu demba nekku ci té lolu nit ki daf koy meun di def même bu dé réew ak réew bu doon wër aduna bi pour meun tassé ki nga xamne moko jappalé ci lolu lolu farax lay doon ci mom té fardu ayna la bo xamantene donte wajur yeek njabot geek ñepp kenn andu ci dang koy def parce que digënté ak worom na voilà voilà parce que lolu ñak ko en fait ñak ko mu gëna graw dé ding wa mo to ñak na dia mo garaw xam nga dia après jeex na mais après bu fekente na sa bakkan da la nor monote la teela nangam et cetera amu manam tinke ko jappalu etc am lolu mo gëna graw encore koku effet bi mo gëna graw encore parce que lolu ba al-akhirah da lay top deng même jambi sax du ci laaj ndigelu koku kiko yelif jambi jambi jigen du ci laaj ndigelu ci kërëm parce que yoonu yalla la ah yoonu yalla la cependant nak après dañ ci lañ lay wax né la par exemple ci biir werd bi soy werd bu la boy bu la par exemple bu la serigne bi wala sa jëkkeur wala sa wajur dé wax ak yow boba mën nga wax ak mom amul limite voilà mais lool mom moy jël nga werd ba paré mais werd gu mi nda da nga ko jël ak duma ko jël mom amul tab amul nak comme niko ñene waaw xalam wax tan dik sa mbokk yi ba paré day gi subhana rabbi ño xamantene dañuy tassé mu leer na ni ki nak serigne bu mat serigne la ki nak mom vraiment mom nak ki ma sha Allah moy serigne wi nangam nangam na xara xana ba ma ci waxtan waaw xamna ko nak legui même ngir manam même boudé sax dem rek manam yeslu yeslu barkelu dongu ci mom duma ko def luddul xana ma ne ma xana ma waxtan tek sa mbokk yi wax mbokk mais lolu ya subhanallah hein Allah yalla ñu yalla sam deng ta'an mo xam aji top la manam kuy nekk ci yoon di top manam ñu gis ko mu correct visiblement manam ci biti mu correct aw wala bu asen ñu gis ko manam mu nekk moy katu yalla xalam nekk xalu moy katu yalla deng ala mom par exemple kon ce qui veut dire que ni kon tarikha bi doune way damay baye ba baye bali baye def nangam ak nangam baye ki doga jël tarikha bi affaire lool parce que tarikha bi wofa mo la wara lawal ci yoy kon ko yow bo xare ba baye bo mo ba fare kay loko deet manam non tout temps dina am loko deye mais manam c'est une façon de poser que li mom mo lay meuna sétal ci lolu kon yow bo beugé xaar lol déjà donc dou jël mukk parce que pour nga tinké ko bayyi lolu pour lolu benen affaire la té xaar bo meuna nek meun nga ko jël té dal la jël légui respecté biñ lay wax na nga respecté sharia bi téki wul ni légui la wara complètement bax téki wul lolu limi ték moy manam au moins mo am volonté lo rek la lolou lay tek respecte sharia bi ni wax moy volonté bi mais pas que ni ligui la ko wara def top saxal ba ma sulli bu lolou hein dëgg affaire bi du débé non voilà benen masala bi ci dess moy gissone nagn ko ci ki gissone nagn ko tamit ci jota yi na giss nagn ko ci yow ya xolou nak sax moy affaire tok pone voilà manam dañuy giss ne pone bir bakkar la ci bir yenen bakkar rek tere giko cheikh tere radiyallahu anhu daf ko tek ci ben règle yo xamantene meuf nako duggal ci buñu bindon tere bu melne qawaid قواعد الطريقه ولا قواعد فقه الطريقه مانام nga xamantene wax joju moy ne ñi tux duñuy faral di tup parce que surtout parce que jamono joju mom ñim ko waxe non la cigarette manam tux pon non la ñu bari doon xalaté mu ne parce que ñi tux ba légui ni sax ba bu yagul en tout cas ba il y a 10 15 ans da ngay gis yenn même buñu jëlé par exemple yenn serigne khadre yi dañuy tox ci grawul pour ñom hmm sans travail on ne comprend pas voilà amu ben problème et cetera parce que lan motax parce que japp ñu né dafa haram motax duñ ci tup dañ japp né xeyna dañ ko sip wala yoy légui mom daf ni le fait que ñukoy lool motax le fait que kon mo parce que ñoom duñuy di tuup ci seen bakkar kon da ngay gis na mbir bi daf koy delo wat ci benen règle moy ki nga xamantene moy bakkar bo xamne dafa évident le fait que ki japp ne du ci tuup manam mu ne lolo tax mu ne kon nañ ko jox ki nan sangara te bu len ko jox ki tuk pas parce que ki tuk pas parce que tuk mo gëna graw nan sangara dede parce que ki nan sangara ñom ñi nan sangara xam nañ ni li ñi def baxul donc dinañ def le tout pour gëm ci alors que ki tuk mom ñom duñuy d'accord né li ñi def baxul donc ci règle bobu la ko tek ci kaw lolo kon manam nit ko xamantene tamit day def ben mbir mo xamantene dafa graw ni ci bitini publiquement ni mais jappul ne limi def graw na kon ci kaw lol da ngay gis ne koku jox ko tarixam wuuru parce que mom itam voilà question bi tam même problème day poser wu problème bi c'est pas parce que affaire bi tokhul mais parce que dani manam cause bi la al hukmu yaduru ma illatihi haythu dar wujudan wa adam atté bi day wor worlo andak la tax ñu teural atté fu mu meuna nek bu fi atté bi bu fi tax tax gi nekké atté bi nek bu dakk atté bi dakk wala na lolou lañ do wax manam ci jotay bi yeuse fa fekki woko ne amna leg leg suñu xel day dem ci yenn ki yu mel non yu bari yu yenn ak yenn parfois yenn masala yi ni ñu gis ne souvent dafa am ay qaida yo xamantene fofu la ci yoy la manam mu neuf nako teunk ci yoy manam de telle sorte que qawaid yoy boko xame ci fiqhu tariqa bi danaka lepp dang koy mëna xam manam melni ay qawaid suñu xel nak dem ci djem len xol gestu len dajale len ti ben ki quoi inshallah voilà amen amen amen deng mota la yam na wa bu mu ko tere bu mu ko xagn mom tareta bi jox ko an ahadin wulif ken talaba ha ko xamni sakku nako kon kep ku sakku tareta bi rek nagn ko ko tax kon bo ci ray kat nit bi su jappé né mom ray assassin la mom assassin la mom day ray sa yame occasion ray mom d'ailleurs multi récidiviste la mais d'accord na né limi def baxul wala yoy mais da fay ñew jël tariqa bi donc koy boku garal charge yi mu d'accord ci lanko ko jox ah lanko ko jox mais l'essentiel moy na nek julit xalé la donc ko jox boudé d'accord la nanguna donc ko jox parce que roh amul xalé amul makam amul goor amul jigen voilà donc sa ñu tay xali mën nañ ko jox kep ko xamné sakku nako voilà ci kaw mu nangu charge ci kaw mu nangu charge jeex na ak sauf ak en tant que julit te mu nek julit ak lu mu ci doon mu nañ ko xal mu nek sauf ko xamne ni day def bakkar te japp na lu mi def considéré ko bakkar wa tout dépend nak voilà maintenant lolu il faut voir parce que xam nga tay bo xolé comme walu tokh bi cheikh sen ahmed tidiane rabi allah bo gisee mu insister ci c'est parce que dafa xam gravité bakkar bi ak gaay ni ngi ko woy fa donc lolu la d'accord voilà mais sinon so xolé de manière générale lolou la la lolou tax mané ci biir wax ji mané ki nga xamantene da fay def bakkar bo xamantene ñepp xam nañ gravité mais mom mu woyfal ko surtout mu nekk ci période surtout mu nekk ci période bo xamantene wala ci dekk bo xamne nit ñi dañuy woyfal xéru bakkar yoy manam lolou tamit vaut mieux ku mel non nga ni ko non man duma la jox tariqa bi fek yaangi takko ko lu melni parce que lui baaxul dafa haram alors on doit être yentou sa sa doit être et cetera na ngam gay ñu ñom yeen yeen ko woy fa mi ki comme chat yi nga xamanteni manam fogg nga garal ko nga xamanteni day jël tariqa bi manam est ce que da ci am ay chat yo xamanteni yoy moy nga xamanteni lajim nga garal ko ko wala comme yépp yi nga xamanteni par exemple cheikh omar andi na waaw est ce que cinq yi rek par exemple ki boko waxe par exemple lolou day voilà cinq yi boko waxe day doy mais cinq yi sax du yépp yu ñëk yi rek la moy que ni il faut que mu nek manam que ni tariqa bi fokk nga diko sikar ba kéro ngay dé doko bolé ak benen doko bolé ak benen ba pare cheikh amou tidiane radiyallahu anhu mom rek ngay jeppe serigne doko di nga te dong koy ziya dang koy manam do ziyare benen wala yu bu bokul ci tariqa bi manam ludul ni cheikh dal dagana ñu ziyare rek lool la manam yoy moy yi nga xamantene mom mën ta ñak yoy moy yi nga xamantene mom mën ta ñak nga leral ko manam ci gattal dal mënut nako teunké ci dal moy né nga considérer cheikh amou tidiane radiyallahu comme tebouay mom kessé nga considérer ko aussi comme niñu wara ki ñu wara ziyara mom ak ñu dagana lool la ci gattal lool la manam ce qui fait que ni manam nga jappé ko serigne mom kessé nga jappé ko serigne mom kessé ce qui fait ko benen lazim benen serigne doko jël kon lool lay tek manam nga jappé ko serigne mom kessé ba paré mu nek tebouay ba paré tam do ziyara kenen ko dum manam loolu dal moy teunk mbolam charte yi nga xamantene manam phrase moy teunk mbolam charte yi nga xamantene wala wa moy hein moy kaw nu cheikh na ahmed tidiane radam cheikhal manam cheikh kal wahid istimdadan wa tabarrukan wa ziyaratan jeexna wa moy cheikh tidiane radam nek sa serigne yow ket mom kesse ci walu tebu ci walu barkelu ak ci walu ziyara lool mom bu leer bo ne d'accord na legui nak yi ci dess après bon meun nga xol selon circonstances yi selon ki yi nga xamne meun nga ko préciser surtout yi demé nek respecter milieu fi walu comme bu le ñum suñu ñun mom Sénégal lazim le par exemple nga leral masala bobu non ni walu yépp attention dag neen di fonk parce que ñom dañu gaaw ci ku dëkk ku bokk famille sangam rek wala ku bokk nek talibi ñum diiw rek faaw muy ngañ ñeneen ñi wala muy nga wax ci menen te lolu bo gisee li geuna kemaay moy yamul ci bir ci digeunte par exemple tidiane ak mouride wala khadir yak tidiane wala yamul fofu rek mais bu ci bir tidiane da ngay gis ño xamantene manam waati wa won ni non la di yak bay ñass par exemple wa ñoy ñassé ni non la côté bu même côté bi di affaire bi day dem tamit bo len déggé ñoy seen histoire yi ñi far te yépp ay ci ay netti lay doon et cetera manam yo xamantene da naka dara ci manam dara amu ci même ci sa mu wax ci sa da dul am parfois ñe dañuy netali li ñi ñew netali les fait ñe et cetera té bi ñom ñep ay tidiane lañ dé mais loolu ci gëna graw encore par exemple charte bobu nonu ke ni waro ni nga wara mel ak winde fi ak také ak yoy lool par exemple ci zone géographique bobu day daal di nek manam muqaddam bi tam moy xol solo zone géographique mu léral né li ka da fa am solo ci ki bi comme par exemple bo xolé comme ñun tamit suñu dëkk yi comme par exemple wala fi ni par exemple nga xamantene julli mom moy loolu liko gaay nu leen neex lañ koy defé wala heure bu leen neex dañuy dem heure bu leen neex ñu ne ñun mën nañu dajalé rek après ngoon gi ñu fay yoy bo par exemple léral charte julli bo ay da di wéne nek lo xamné day rañé donc tout dépend aussi manam mo xadam tamit moy xol selon ki bi yi nga xamantene mënul ñak mu léral. D'accord, mais ce que vous avez dit, c'est une condition essentielle. Non, c'est fondamental. C'est le Cheikh, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Et Seyyid Mohamed Ghali, quand il est venu à l'Ijazam du Cheikh Omar, il n'y a pas d'autre. Boti mo ne chaque boti manke sen digal bi yekati lolo ko chaque boti manke sen digal bi yekati te xamo cheikh omar lañ ko wax rabbi allah ha ko rawu ñu kenen amma ki nga xamantene mom tamit mom problème bobu la mom moko dal mu ñew wir defuko mu ñew wir di wer rek yoy koku manam mom ci groupe talibé yu ndiek yi lañ koy bolé moy ñi nga xam tane ñoom dañoo sopp cheikh bokk bo top wa tariqa am yoy la béran mom dina may gar nak mais ba tay bokul ci wa tariqa bi ci walu soobu manam ba tay bokul ci tariqa bi ci walu soobu mom hein voilà yalla ñu yalla sam légui imagine lu ko nga xam tane mom lool lay def di joxe werde rek ci condition yoy waaw dem len dem na yor nga xam na lañ len la ndax yor nga course yor wa legui del wer legui ci joxna la wer jeul legui bo demé ké dina la jox charte wa te lol parfois fiñ ko dul soupçonné sax dañ ko fay def ci ñiñ ko dul soupçonné ni kay moy filé wo bi ci tarikh bi jamono jimi c'est ça c'est un problème hein te dañ ka wara ci même bo sello ci Aladji Abdouni radiyallahu anhu ci yenn ci vidéo mi wala même ci audio yi dang ko ci dégg yenn waxtan yenn jotay day gis même day wax da ngay gis mbo ci ñu wara jël tarkibe ak yoy mu daldi jotali charte yépp wax ko dal ne ndax nangu ngeen man da ngay gis mbolo fi ñu nekk pourtant ñu bari ñu wuté lañ muy laaj ndax nangu nañ bala mu leen ko jox ñu ngay gis ñuy jotalante kaddu waaw ki wa neena nangu na ñu ak ki neena nangu la ki voilà muy doga joxe ah manam parce que hein yo ay ki la même shérif bi amna ki bi ñom sa ñomar ñom di ki même dañu ma yow nga limal wax leen charte yi yow loolu la wax yow wax leen charte yi yow so paré après nga wax ma inshallah lu bax rek mo ci xew après wax ko ci goor gi après fu leen wala dafa ba leen ki ak yoy manam nga gis gara manam loolu ay ki la dal yo xamantene rek hein voilà il faut ñu koy respect ñu koy bayyi xal bo warul nek lo xamne dañ koy doyal dal dañ koy noyal dañ koy woyal fa non ko puna woyal fa deng wa chef muqaddam bo xamne ni par exemple mom dafa ñew ben jamono talibé bi ne ko jox mo wër mu ko dama yër exemple jox na la wër way dama seigne moustapha mu jox la charte koku déjà dañuy téggi dañuy manam digal bi ko joxo di mom yëkëti nañ ko mom ko yëkëti d'accord cependant il reste quand même le disciple dans la tarikha bu légui non le problème moy lool la ma lool la expliquer problème bi moy mom bu ñëkëti digalam dañuy yëkëti digalam ci tarikha bi lool moy problème mom ci bopam da wara dem jëlu ci war c'est que hein jëlu ci war wër mom ci bopam c'est qu'en fait double conséquence la am voilà fait que momu agirer ni exactement man nak pour man day guen rek ci cadre muqaddam bi dedet ci tarikha bi lay day guen mom ci bopam day wara jëlu ci war tarikha bi mom ah légi est ce que mën na dem jëli wa tarikha bi joxat ko mu defat ko mu xadam ci mom waaw lolou amul problème waaw mën na la waaw dire def cham li do jara waaw si lolou bok na ci moy a part yi nga xamantene ñoom c'est sûr que dañuy dox moy ñett yoy di guenne amna affaire nak 8 la en tout bobu ci la bok bok na ci tamit moy di doye dal werdu bi pendant ben jamono bu yag ni ngay doye dal lolou day mën na dok dem ba dok nit ki et cetera manam yoy jurom ñet yoy bobu yoy bi ni ci la bok moy muqaddam bi nga xamne da fay joxe tarikh motax muqaddam tamit da wara dañ ko wara xam da wara ki voilà da wara am yenn yo xamne au moins war na ci am ki dal war na ko xam dal war na ci conscient il y a un minimum yo xamné ni de prêt de prêt requis wala de prêt acquis voilà ñu wara conscient d'accord leg tamit amna ño xamantene dinañu di jox tariqa bi ño xamné ñom yag nañ te xamnañ ni mom par exemple ki xamna chart yi parfois tamit lool day am bon lool mom peut-être que sax mën na baña ag ci niveau bi ni moy ko xamantene mom en fait parce que nit ki xamna ni ki yag nañu xam te yag nañu waxtaan par exemple ci domaine tariqa bi yoy bam xamne par exemple li moy charte yek yoy manam mom par exemple leg mu sukkandiku rek ci lolu ba pare motax duko ko rappeler da nan ko rek xam nga charte yi ci charte yi djel ko mais il faut mu préciser ko ne ko ci charte yi nga nangou ko ci kaw charte yi nga xamantene mom moy ki bon lolu mom duñu dogu ci ne waji ne muqaddam bobu day dog ci tariqa bi yoy parce que lolu voilà mais ki nga xamantene nak par contre day ñew leen nga gis tamit ko xamantene moy comme exemple bima doxal kéro moy ki nga xamantene day ñew ne la voilà légui werdal dama lay jox werd suba nangam nangam gi pour le moment del werd ci suba gi rek bu rel suba ngor ak yoy ba ci kanam yoy nangam nga do ko commencer wosifa ka werd xam nga koku waxu tiaxan la ya na yalla sam ne cheikh bi li ni mom moy on va dire règle générale bi mais exception moi par exemple bo genté yantou sallallahu alayhi wasallam wala cheikh wa bo da ngay yew rek commencer wa am le buñu dox jatti nga genn wa mais parce que day fek bo setlo ñoñu nga xamné souvent ñom lay lolu di ci day fek ñom ñu xam charge tamit en tout cas man ci d'après li ma xam xamaguma ko xamantene lolu par exemple dal nako te fek musul xam charge sax ñuma xam mu dal len yépp mus nañu xam sax tariqa bi kon am ñu nga xam mu dal len ah si si mus nañu xam sax tariqa bi më téréwul dañu jëlat ci ñeneen ñi téréwul dañu jëlat manam vu mi jëlat tam manam loolu wañiwul dara dal am ñaari voilà bo le zahir bi ba batir bi quoi voilà bo le len voilà deng nga légui mu ne wa kaunu salati wa kaunu nak as-salat dulli ala rasulillahi ci tawal yalla le sallallahu alayhi wasallam bi salat fatihi ci salat ala nabi bobu ñu salat fatihi lima ughliqa afdalu mo gën wa akmalu mo gëna mat lima fi ya ngir la nek ci bir salat ala nabi bobu min al fadli ci ngeenel al azim bandi mag wa sawab ak fay ak yol al jasim bay ajri alladhi bi nga xamantene la yaqdiru amul def du nat qadaru ak dayom illa lulul alladhi ki nga xamantene imtanna xewal nako bi ci mom min fayda ci bubu fadlihi ak ngeenelam tam moy yante bi sallallahu alayhi wasallam wala bok borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam ngeenelu salat fatihi limu tollu lol nak lu fekk salat fatihi reuy ngeenel ye reuy bu mom salat fatihi ken wer dul lu melni ko magal ko lo musa mën te bu ko taxal kon lo massa man magal ko del def werd sa werd yi de ko defe salat fatihi mo geul ndax lan ndax ngeenel gu reuy gi ci nek ak yool gu mag gi ci ne nga xamantene kenn mu xamul dayom kudul waaw kiko bind kiko ki nga xamantene ci manam bubu ngeenelam ci la joge muy borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok yent bi sallallahu alayhi wasallam wa waqtu jullem manam waqtu bok waqtom waqtu werd manam damer gi ci werd lay adi wa waqtu werd bi werd ba'da salati subh ginaaw jullik suba la ila waqti dhuha ba ci waqtu yor manam me fi mi ngi nam jeexatal yor danga wa ba'da salati al-asr ak ginaaw jullik takusan ila salati al-isha ba ci jullik geex manam jeexatal muxtar bi ay akhirul muxtar manam jeexatal muxtar ge la ci djum leg kon waxtu kon werd ñaar yon lañ koy def werd kenn duko def ben yon kess te amo ci choix fo jaar def ko ñaata yon ñaar yon te boko manke ñaar yon yoy dang koy fay ilal abad nak comme djulli la mel bo ci manke dang koy fay ba abadan bo xese ba nek mu kal ben djulli bo manke dula tege ko ba kero ngay de niki nonu bo jele tariqa bi werdo wo manke dula tege ko ba kero ngay de dang koy fay amul yeesu amul dara si hein dang koy fay yalla ñu yalla sabu motax gis nga analogie bobu dafa am ba legui comme julli dañ koy fay abadan wer dañ koy fay abadan analogie bobu voilà mo meuna kon fi dañuy gis ngir lo ci cour bi passé voilà moy lekkelo bi bi sharia bi ak tariqa bi voilà bo xamé bo xolé ni wer do dafa ay heure yu précis comme ni julli amé ay heure yu précis a werde dafa am heureum moy wajib manam wajibul muaqqat la comme julli num nekke wajibul muaqqat han wajibul muaqqat moy waxtu wo xamantene han manam moy waj moy lu war lo xamne dañ ko wutal waxtu amna wajib khair muaqqat amna waxtu bo xamne ken wutal ko waxtu yu war lañ mais ken wutal ko waxtu lol day di am comme par exemple nit ko bounou jere ne dina par exemple saraxa xar bu wéré ci febaram sangam kenn outou ko waxtu alors que wajib la day war ci mom mu dox mu saraxa xar par exemple bu fekkante ne dafa ni mais legui nak wajibu mais muwaqqat moy comme corps comme han julli comme ajumaka yoyep dafa am ay heure yu précis yuñ ko ki ak comme azaka tamit azaka ginnaw ni sa bu defé at nangam heure bu précis la kon tin ko joxe ak yawm hasadihi manam bu fekkante ne ci mbay la bis bi nga xamantene mom lañuy gop ci ngui koy genné obligé dengo te lu dagan nga yéxé ko wolif bis bi ngi ko wara genné mom azaka ndax ay akki jambour la deng legui wajibul muwassala tamit werdu contrairement nak ak lan ak aj en tout cas ci bir période bu bok xose ba tambal ak lan corps wajibul mudayyaq la lan moy différence entre wajibul muwassa ak wajibul mudayyaq wajibul muwassa moy wajib lo xamne dafa war mais daño yaata période bi nga xamantene mom lañ koy def nga de telle sorte que nafile bo xamantene ci xéetu jaamu yalla gogou man na caane lolou moy lan moy par exemple julli bu tisbar joté koku wajibul mo tisbar joxna xamna ni muhtar tisbar mi ngi tambalé bu jant bi jengé ba sama kër manam kërru jëm ju né tollo ak jëm ji ci bopom buñu ci dindé kër gi gi nga xamantene bu jant bi day jeng kër gogo nono lay toll lool mom moy kon digënté bobu yépp ma ngi ci muhtar tisba d'accord légui su fekkante ne damay wër damay julli bëgg julli tisba heure bi bu joté je ne suis pas obligé mu julli ko ci saasi ci fi mu tambalé mais mën na nafila yi ay nafila ci bir jamono jojja ba pare do nga julli tisbar te suma julle tisbar ba pare mën na nafila yeneene nafila ba kera ba bala takusan yeb mo bolé ko ci nafila tisbar donc bepp jaamu yalla bo xamantene mën na ci nafila nafila gu toll ni mam ci waxtu woon ko teureul wu nafile bo xamantene ci jëmmi jaamu yalla gog la manam moy ay julli budé julli la par exemple comme exemple biñ joxe koor parfois mu nek lu mel non mais du tout temps par exemple koor farata wéru ko kokku obligé moment bobu mais koor bi nga xamantene par exemple dama ko wara fay ayyamul ukhra rek lama alquran wax moy yeneen fan ci bir at bi yeneen fan yu mëna doon ci bir at bi mën na ko fay du deug donc ce qui veut dire que ni mën na fi amna ci durée bo xamantene mën na fi def yeneen jaamu yalla yo xamantene xet bobu la est comprendre ce qui veut dire que mën na fi wor yeneen woré gata ga manam moy wori na fi la yo xamantene té pourtant fayaguma sama wéru wo jour yi nga xamantene mom la am pour koor parce que lan motax parce que comme ni bu tisbar joté ni mo meuné julli ay nafi la yo xamné julli la pourtant té jullé guma farata gi ni mo meuné nek lool lay tek mën nga ko def ci koor gi bima wara fay ci bir ak li dess ci ak bi ginnaw wéru koor gi lolo tax mo meunuy lolo tax jigen gi di def bu jurom benn fami shawal su ko beugé wor daf koy wor ba paré après mu doga fay yenen ci yenen bëss yo xamni wor ko ana sayyidat aisha radhiyallahu anha muné ci hadith bu nek ci sah ñaar sahahi muna in kana li ayyaman min ramadan fala aqdiha illa fi sha'ban lima kanat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indi wala minni danay am de ay fan yo xamantene ci shawal ci ramadan bok min ramadan ci wéru koor moy parce que jigen la day gis li jigen yi di gis donk dina am ay fan ci wéru koor yo xamné duko wor mais fan yoyu mune dama ko dan am mais daalu mako fay ludul fan ci sha'ban moy juste wér bi nga xamné koor ge bu wér wowo déné koor gi lañu dugg ci wér wowo la koy fayé ndax lan mune ndax place bima amone ci yénéti sallallahu alayhi wasallam dok topato gi mako dan tok ah deug kon ci ngay xamé né té xel yi manam du yallu né sayyidat aisha radhiyallahu anha da dan tok wi ak bi yepp du ci wor dara surtout que ni ci mu watta ñew na ni sayyidat aisha radhiyallahu anha da dan wor arafa kon arafa da dan ñew ba dem arafa da na ko wor au minimum té niñu xamé sayyidat aisha radhiyallahu anha xam nañ ni par exemple day wor c'est tout le monde savoir durant bien le fallait voilà par exemple que dit dara bañ fe nek ak yoy voilà par exemple mu woro mu wor ngir me dara nekul ci keur gi comme ni ni ko yendi won de sallallahu alayhi wasallam bu woré gay ni ah ci soxna ni ñun ko nit ñu wor né par exemple and ak lool après la doon fay moment bobu rek la doon fay koor donc yoy lool mom moy kon lolu wajibun muwassala am lu war la mais dafa am période bugu énergie voilà voilà que néna nak que jam xétu jam yalla bañ fa mëna def légui tay buñu xolé julli wajibun muwassala bo xolé heure julli dañu yaatu wirdu tamit wajibun muwassala manam kon momu julli ñu la dañu analogie moy seen o heure war yi mu war dafa war ga mais war ni da ko yaatal période yaatu mi ngi tambalé kon comme ñaar la rek mi ngi tambalé buma jullé suba ba paré tandis que bu fajar bi xaré fék jullé guma suba sañu guma wérna fék jullé guma suba waye suma xasse ba julli suba nak saña tambalé wér manam fajar julli ñaar rakay fajar ñaar rakay suba doga saña tambalé wér maintenant cela veut pas dire manam le fait que manam teki wul ne buma julle suba rek faw dama wara tambali legi dedet et que buma ko deful ma ngi ci négligence comme niko aji wax ji wax lolu amuy non ni mu amé moy né période bobu yépp muxtar la heure bu mo neex la ko ci def légui donc mën na fay werr yeneen xéetu werr comme ay serul yow may ni buma ko bëggé def yaangi dem ay fatiha bi ne bismil azam sa fatiha bi ne bismil azam jang sama sey fi buma nexé sama hebo bahra suma nexé té werr de guma werr de bi nga xamné mo warté pourtant yé waru à part que bon dominaké Fatiha binu Ismail Azam par exemple comme boko tambalé do ko baye mom day dal di mujjow voilà et cetera donc voilà donc voilà kon xet gogol mais boko tambalé tambalé salatul fatiha bi tamit ñaar yépp doto ko baye non non doto len baye ñom doto len baye tout temps da ngay def Asala fa dey yo sino wa bini fa sino wa do ko bay ba mo me dang koy fay rek mo su fa do dang koy fay rek ko be mo wa ko non fay fay ge met wa deug ko sirul yow meni boko raté non boko raté mom raté nga ko rek sirul yow meni mom boko raté raté nga ko rek mais deug kon sirul ziyara wa non mom tam mom soko raté dang koy fay tamit mais mom heureum après werdu bi la c'est à dire que munoko def avant werdu bi wa mom heureum après werdu bi la même bo jitalé sa werdu sax goudi bi comme niñ ci ñëw inshallah do ko jital fo nga xaar bu suba bon deug kon fiñ toll ci walu mais werde bi exactement que ni buma tambalé kon julli ba paré suma julé ñaar rakay suba yi ma moy yi mujjii ci lay doga tambalé saña werde ba kéro manam jeexitalu yor yor leen nga dégg ay 9h30 wala nga dégg ay 10h ci 11h affaire bi du lool. Tout dépend de la zone géographique. Par exemple, ça dépend si vous avez hiver. Il y a environ midi 30, midi 40. Mais si vous avez Sénégal, mais si vous avez été, par exemple, il y a 13h30, 13h40. Vous faites quand même le Sénégal, le Kémer, non? C'est plus. C'est fixe. Hein? C'est fixe. Oui, presque. 13h25. D'accord. Donc heure bi lol la manam bu heure bobu la moy bu jant bo dekk yi nak comme dañuy wouti zone lol rek la moy jant bi dal bala muy jeng manam jeexatal yor yor deug nga lol mom moy muxtar bi dina ñew ci daruri daruri bi moy suma tambale juma julle takusan manam pas heure takusan mais buma julle takusan parce que werdu bi dafa lekkolo ak julli bi takusan ah adak en falayam dede daruri non non buma koy tambale werdu bi ngor werdu muxtar ngor d'accord fi mu tambale d'accord voilà fi mu tambale moy buma julle takusan pas bu heure takusan duggé il faut que mu julli ko ba paré parce que werdu bi dafa lekkolo ak julli julli ba pare dogo wird ba ge manam jeex tanu ge muxtar ge manam tieru guddigi tieru guddigi bu ñëkki lool moy muxtaru wird ngor bi hein lool moy muxtaru wird ngor ngor bi wala bu fekke na xamna ñum chaaf bo le mazabu ki hanbali yeek yoy ñum xalaf yi ñom ba tek daal man maliki sax amna ci mazhab bi moy ne tieru manam moy genn walu guddigi manam en fait bo xolé wax yi dañ leen di mëna jégué ñentel parce que même manam buñu waxé ne genn walu guddigi moy muxtar bi té bo xolé dalil yi da ngay gis ne bobu mo gëna deugër tuti kene genn walu guddigi moy fa la muxtar bi yam moy dal comme niko alquran waxe atum salatal li dulu ki shamsi ba fa dal ni ila ghasaqil layl da do indi wa qur'an al fajr wala ila ghasaqil layl moy de nga kon muxtaru ge lay tuddu ba muxtaru ge fi mu yam moy ghasaqil layl moy ge moy lendum kris ba bulan bu guddigi fa mu jeex fa fa lendum ge yegg ci niveau bu ci somum bi te lol mi ngi am ci xaju guddigi manam bu guddigi xaju lay lol la mbir momu di amé mbir mi du am avant xaju guddigi parce que lendum liko indi lendum ko moy kër kër la donc ce qui veut que ni bu kër bi jant bi souf ci nekké kër jant bi motax muy lendum ni légui lendum gi luñuy gënd dugg ci guddigi muy gënd lendum ba kërok guddigi di xat afara lendum gi wañé ko tuddu ba kërok fajar gi di xat bo et cetera ak yenen dalini yentim sallallahu alayhi wasallam di wax nan ba tumisful layl et cetera mais d'ailleurs yentim sallallahu alayhi wasallam xam nga amna ben hadith moy bi nek ci sunan imam abu dawud rahmatullah hadith sayyidina anas radhiyallahu anhu amna ben hadith sayyidina umar ibn khattab radhiyallahu anhu batay nga xamne yentibi sallallahu alayhi wasallam moy bi gaay de tok di xaar yentibi sallallahu alayhi wasallam di jul di genn ba mune même sayyidat aisha tam radhiyallahu anha nga mune ba guddigi xaj muy do genn dal ni innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati waqtu waangi mi ngi ci sahihi tamit hadith ibn abbas tamit ci hadith ibn abbas radhiyallahu anhu tam mi ngi ci ha mi ngi ci mune li moy waxtom buul won damay bañ xatal indi xatal sama xet manam kon ci liñu gisee ni manam bu guddigi xat wala bok ba lu upp ci guddigi lu bu guddigi waja xat manam moy tier bi parce que bo xolé kon ñett tier la en fait guddigi legi kon da ngay gis ni ci tier bu mujju bi buy tambali fofu la muxtar bi di jexé kon bo xolé presque ben la manam moy xat bi ci digg bi da voilà deng nga ci source bi nek ci digg bi donc lool la voilà donc en fait kon manam bala tier bobu nga julli ko mom mo geur manam muxtar ge ba bala tier bu mujju bi di dug bu bala tier bi ci digg bi di dug lolu mom falo mom mo geul sauf que bo bu digg bi manam genn wal moy moitié wu guddigi lolu julli ko ci heure bi mo geul manam mais li gëna moy justement fi tiaru guddigi di jexé mom mo gën nga julli ci mo ge so ko do meuna def ci mbolo su doon amna jaka yo xamne non lañ koy defé par exemple lool mom mo gën mais yentib sallallahu alayhi wasallam duma instaurer lool parce que damay bañ tek choono sama xet sallallahu alayhi wasallam deng kon légui tay buñu xolé lay kon ge kon bu muxtaru ge bi jeex kon moy bu tier bi bu manam ba tier bu ci dig bi dug baax na legui nañ xol kon lolu mom moy kon muxtaru sama wirdu ngor mi ngi tambale suma julle takusan ba tier bobu ñaarelu tier bi ci guddigi dug lolu sama muxtaru wirdu ngor heure bu man neex ci digeunte bobu man nako ci def heure bu man ci digeunte bobu man nako ci def te daay bokku na ci li conforté li wone ni amna ben jour yaa ngi makoy wax ci été bi li wone ni effectivement que ni dig bi mom moy muxtabi te lool sax mo geuna deugal moy buñu démé ci été bi dañuy dem ben période bo xamantene loolu du exister. C'est-à-dire que tiers goudi modul voilà bobu day fekk timis gi voilà voilà ge dougoul day fekk ge jotogoul ce qui veut dire que l'air rek moy ragné moy né moy nga mën ko yobbu ba ci xadi goudi bi rek moy ragné voilà day fekk timis gi non timis gi mo problème bi lool la day fekk ge jotogoul té comme gié jotogul wérdu bi fan ko koy duggal muxtaru wérdu bi fokoy duggal xam nga lool voilà donc lool la donc voilà dégg mais manam sax pour wax la manam ni tariqa bi rek andé sax sharia bi manam voilà li ñu lekkolo donc wirde bo xolé kon wirde bi lool moy muxtar kon muxtar yi leena moy suba bu mo julle suba ba pare fek julle ko mo ko na sax muxtar bi tambali ko ba avant tisbar environ 5 10 minutes avant tisbar mais heure vera bi la wax pas heure biñ koy julle ci jakka yi ñi xaarante ak yoy donc tout dépend ci dëkk bi ñom ndax dañuy respecter duñ koy jullu juste bu joté wala dañuy nodd juste bu joté et cetera donc lool après ça dépend ci dëkk légui takusan moy bu ngor moy bu ma jullé takusan ba faré ba kéro muxtaru gëbi di gëx manam moy xali bu ci digg bi tiér bi bobu duggé manam bu ñéké ci tiér bobu donc lool mom moy sama muxta aywa legui ñu ñew ci lan ci daruri subhana rabbi day gis ne dafa nuro lan julli wa muxtar am daruri xajale biñu xajale julli nak digeunte muxtar ak daruri borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ ci wuté bo xolé der xamu safi rahmatullahi ñom am nañ ci biir waxtu yi tollo wuñ dafa am waxtu muxtar am waxtu fadl am waxtu ikhtiyar am waxtu manam da ngay gis ci sen biir sax tolo nuro le wuñ ko motax même ñom a waxtu daruri wala mais ala kulli hal buñu len xolé ñom ñep bokku nañ ci liñu wax muxtar ak daruri bam def zahiri rahmatullah ñom ñoo wuté ci ni muxtar daruri existé nañ ñom dañ ni waxtu yep waxtu rek la mais li wone ni muxtar ak daruri existé nañ effectivement moy li yenen tibi sallalahu alayhi wasallam wax ne man adraka rak'atan qabla tulu' ash-shams faqad adraka subh wa man adraka rak'atan qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-'asr ci hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu bu nek ci sahih yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ne kep ko xamantene da nga dab ben rak'a bala tisbar bala jant bi di fenk julli nga suba ci heure kep ko xamantene da nga dab ben raka bala jant be so julli nga takusan ci heure mais xolal mo wax ci benen hadith bim nan tilka salatul munafiqin yaq'udu ahaduhum hatta idha kanat ash-shams bayna qarnay ash-shaytan qama fa yusalliha arba'an wa la mun la yaskuru fihi illa qalila manam nga gis hadith bobu mu nek ci sahih batay ci ngay gisee li wax mo rek julli nafiq ya ngi ni moy da ngay gis kenn ci ñom day tok jekki panda manam heure bi rombu jant bi bu mu gis ne jant bi mi ngi legi ci digeenti ñaari bejeenu sheytaane manam mi ngi waja dug rek neena mu gaaw jog rek daadi paraxe def ñent rakka yo xamantene bi ci tuddu yalla lu dul fatale du ci xalaat deug zikkar manam bo yalla lu dul lu neew wala mu ne dulli na fi xiya ngox mom day baye bu heure bi dem ba muxtaba ba daruri bi du kon lool yeen bi sallam ci ñaari hadith yoy buñ ko xolé dañuy gis ne mom établir na ne amna julli go xamantene parce que xam nga comme que neela la bo amé ben rakka ci tisbar ci takusan am nga ko bala jant be so donc lan lool lay tekki moy ki nga xamantene kon dafa tok bu heure bobu jot mu dogu julli dab na takusan bi mais sauf que yeen bi sallam daf ko tuddé julli nafiqi mo lay won ne kon kep ko xamantene heure bobu nga julli te amulo ngant lol da nga ci am bakkar kon nak lolou heure la nam bu deug bu wer mais heureu ñan la heureu ñi nga xamantene ñom am na lu ngant motax mais ñi amul ngant mom heure bobu du seen heure gu donc ci ngay gisee ni manam waxam mom motax borom xoxo ni rahmatullahi xet yoy non manam ni ñi établir affaire yoy dañ koy jëlé ci ay yenn istinbatat manam ay deduction yu sew yo xamantene mom moy nek ci digeunte wax yentil sallallahu alayhi wasallam wala ci ay alcorane wala yoy non hadith bi lañuy xamé né wala bo bolé ñaari hadith da nga ci ko comprendre réne mukhtar ak daru ni existé né hadith bi lu suu bi ta ko san bi wala ak bi comprendre wala motax daru ni ta ko san dayel fofu lañ ko jëlé ci lañ xamé né daru ni ta ko san moy bu jant bi démé ba xonk nonu ndax yentil sallallahu alayhi wasallam da lu bu xonké nonu def cercle dafa day jant dañu jant bi day sox ci biir gi ni sheytaane donc ci lañuy xamé ah parce que moment bobu ci la ko gaay doon jaamu tamit ci la ko xërum ñi daan jaamu xërum doon jaamu donc ci ngay comprendre manam ci lañ xamé ni manam takku san daruri bi tam non day tambalé moy bu démé ba jant bi def cercle d'accord bon légui bu may wër sama daruri wër tam lool la sama manam daruré sama daruré wérde tamit dafa existé moy lan moy mi ngi tambalé ci heure bobu ba kérok jant bi di sox manam heure bi muxtaru wérde bi suba bi jéxé moy kañ moy bu jant bi tambalé jéng moy bu zawal légui nak kon fofu la ba kérok jant bi di lan di sox bu tak bu mu ngone bi mi ngi tambalé fan dédé muxtar dédé daruri wa muxtar fi muxtar bi jéxé kon mom moy lan bu tiers bi ci dess bu tiers bi ci dig bi duggé ba xañ ba fajar ga fa mais muxtar mu ngi tambalé ci mu julé takusan ba paré waaw mais daruri bi mi ngi tambalé fa lé légui nak ku jul ku comme ni nga xamanténé ku julli ci heureu daruri bi té amul won ngant bu sharia nangou day am bakkar par contre nak comme niñ ko gissé won sharia dula may daruri bi rom té julli woko loolu won dula ko may fék yaa rek sa xel ak ku mu condition yu mën ti mel ah non loolu mo gis na ka rek sen tiam ki alu tiam nan ma mais seigne bi li nga wax graw ah oui li nga wax graw xara li nga doy na wax mais en tout cas legui mu dess wirni sama non la demé wirni donc man tamit manam wirde bi duma am droit bu nit ki suko baye ba muxtar bi rombu te amul ngant bu ko téré def wirde bi mu dugg ci daruri bi day am bakkar c'est la même chose légui su fekkante ne légui dama wara werna werdu suba bi werdu guma mais madame ba julli takusan ba para tambalé werdu werdu takusan bi fatali ko né werdu suba bi nek he he he werdu suba bi werdu mako won wa mais tambalé na werdu takusan bi dama koy dag sur le champ tambalé war werdu suba bi doga def werdu gor su fekente né paré na ko itam dama koy dag dama day nul day annulé wu sur le champ day annulé wu mo werde la bu suba bi ba paré suma ko fatali ko yé légui nak ginnaw timis bu boba nak du annulé wu parce que lan motax parce que beul ba tay ñi ngi won ci biir waxtom mais daruri bi la alors que bi pa du génn nañu daruri légui ñi ngi ci benen waxtu donc dang koy fay donc dama koy fay té comme fay la toftalé gogou dot ci mëna nek kum julli voilà d'accord voilà légui su fékénté né damay wirdu ngon gi manam wirdu ngon gi mani xam nga mën na jital lolu dina ñew ci masala jital bi mais legui man tay buma toge periode jital jotna moy jital sama wër xam nga jotay bi dina dañu tambali waat jul wirdu wala mo masala bi ñu arrêté ni inshallah ba jotaay bi di ñu reprendre rat masala bi exactement bu fekke dama ko na faté ñu faté limako inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.